Je t'en dirai des nouvelles des années 2000. Alors là, les années 2000, c'est le bordel, hein, de mode Anne Sophie. Enfin, Anne Sophie, il faut la trouver, Anne Sophie, déjà, parce qu'Anne Sophie, on la cherche partout, on la trouve pas, Anne Sophie, hein. Alors là, les années 2000, mon pote, c'est le bordel. L'autre fois, sur le journal, le matin, comme ça, avec mes petites cracottes, mon beurre, mon lait, tout ça, tout le bordel sur la table, un truc de ouf, et 10h du mat, tout mon journal, devine qu'est-ce que je vois. Homme, 60 ans, cherche couple, je lèche madame pendant que monsieur me sodomise. Alors là, qu'est-ce que t'as pensé de ça, monsieur? Alors là, j'ai demandé à Anne Sophie. Bah oui, j'ai demandé à Anne Sophie, elle a répondu à toi, Anne Sophie. Alors je lui ai dit, bah Anne Sophie, qu'est-ce que t'as pensé de ça, bah Anne Sophie, parce que bah, elle a tourné la tête, c'est qu'elle Anne Sophie, parce qu'Anne Sophie, elle a pas de couilles, Anne Sophie, bah c'est clair, c'est une meuf Anne Sophie, bah il fallait pas y prendre autant à Anne Sophie, tu vois, Anne Sophie. J'en ai rien à foutre d'Anne Sophie en fait.